celle-là. Bon, ben, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus. Je ne dirais pas si nombreux, mais dans ces cas-là, on dit que la qualité remplace la quantité. Ah oui, c'est celle-là. Donc, aujourd'hui, on a... Bon, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas le CIRA, qui veulent les renseignements, après, on discutera autour d'un verre. Donc, il y en a beaucoup qui nous connaissent, mais quelques-uns qui ne nous connaissent peut-être pas. Et on vous donnera tous les renseignements le CIRA, sur le CIRA à la fin. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Céline Baudet et Nicolas Debon qui vont nous parler de, aujourd'hui on dirait une communauté, à l'époque on disait des colonies libertaires d'une expérience qui a eu lieu dans les Ardennes au début du XXe siècle. Donc Céline s'intéresse aux communautés libertaires depuis déjà un bon bout de temps. Elle en a fait un sujet de maîtrise et il y a 10 ans maintenant, c'était en 2006, je crois que c'est une adaptation de ta maîtrise. Et elle était venue au CIRA dans un ancien local. On a l'enregistrement, c'est assez rigolo à écouter. Il y a notamment une dame, c'est comment elle s'appelle, Wojnarowski, là, Liliane, qui vient, qui intervient, et qu'on voit qui intervient à chaque causerie. C'est assez rigolo de l'entendre. Et donc, c'est un livre. Céline vous expliquera, elle aimerait en faire un mieux, et sûrement ça va aboutir. Parce qu'entre-temps, elle a fait une thèse sur ce sujet, une thèse qui s'appelle « Vivre en anarchiste, milieu libre et colonie dans le mouvement anarchiste français des années 90 aux années 30 ». Donc c'était une thèse d'histoire. Après, tu as fait plusieurs causeries sur le sujet, notamment lors d'un colloque qui a eu lieu en 2009 du côté de Limoges, organisé par le CIRA Limousin. Et puis, alors j'ai vu, c'est rigolo, il y a les protestants qui t'ont accueilli aussi, les rencontres à Bram-Mazel. Mais bon, c'est des gens qui sont assez ouverts sur l'anarchisme, et notamment, on a découvert qu'il y avait une maison d'édition qui s'appelle Théolib, qui réédite en ruinaire, enfin, des tas de choses très intéressantes. Ouais, et puis ils organisent un festival lutte et résistance aussi de cinéma. Ils sont, ouais. Et voilà pour Céline. Et puis Nicolas Debon, qui a réalisé cette BD, donc c'est surtout... à la suite de l'apparition de cette BD qu'on a eu envie de faire cette rencontre, qui a déjà eu lieu sur place à Aiglemont, mais tout ça vous nous le direz. Donc Nicolas, tu as fait des études aux Beaux-Arts de Nancy, tu as passé 10 ans au Canada, tu avais plein d'illustrations, des vitraux dans l'édition. De retour en France, tu as illustré des livres jeunesse chez Gallimard Jeunesse, Flammarion, Bayard. Et puis tu en es à ton troisième album, si je ne me trompe pas, donc un qui s'appelle Le Tour des Géants en 2009, ça parle du Tour de France. Alors, tu aimes bien l'histoire, puis après tu nous diras comment tu as découvert l'anarchisme, parce que c'est pas ton milieu, contrairement à Céline qui est baignée dedans depuis qu'elle est née. Je ne sais pas si c'est vrai, mais donc Nicolas a découvert l'anarchisme avec cette histoire qu'il va nous raconter. Et les deux autres albums, c'est un sur le Tour de France de 1910 et un autre qui s'appelle L'Inventaire du Vide, qui est un hommage aux premiers alpinistes. L'invention du vide. Ouais. L'invention du vide. Voilà. Et l'essai de la BD est paru l'année dernière. Bon, ben, je vous laisse la parole. C'est tout. je suis pas tombée dedans, mais c'est ça que j'ai découvert les milieux libres. C'est un peu en même temps que j'ai découvert ces idées-là, les idées anarchistes, et puis après peut-être un peu des pratiques qui pouvaient... Enfin, des pratiques dans l'histoire qui pouvaient ressembler à des choses qui existaient dans le présent, quoi. Je dis quand même un mot sur le livre, parce que sinon, vu qu'il est là. Juste, bon, le livre, voilà, il est paru il y a 10 ans, pour prévenir, quoi, c'est qu'il n'y a pas eu de correction orthographique, j'ai pas vu les épreuves avant l'impression, donc il y a plein de fautes d'orthographe, c'est de ma faute, hein, les fautes d'orthographe, ça c'est sûr, mais bon, voilà. Ça a pas été corrigé, on peut taper quoi. Sur l'éditeur, il a peut-être fait des progrès depuis. Et puis, juste pour dire, voilà, il y a un quatrième de couverture avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Ouais. Bon, juste, déjà, il y a marqué qu'il y a eu des centaines de milieux libres, c'est un petit peu exagéré. C'est vrai que dans les années 1900, il y a eu des lieux collectifs, mais des centaines, voilà. Et puis, bon, il y a aussi une présentation qui fait la part des choses entre un anarchisme qui serait plus, violent, virulent, un esprit de révolte et tout ça. Et que du coup, les milieux libres, on passe à autre chose, quoi. Donc là, je vais parler un peu du contexte, et en fait, pour moi, ça, c'est pas du tout une réalité, quoi. C'est pas parce qu'on vivait en collectif qu'en fait, on mettait de côté toute une manière de lutter ou de voir les... Enfin, voilà. Donc voilà, donc je vais un peu parler du contexte justement pour... Donc à l'époque, tu avais fait un petit rectificatif, un petit papier qu'on glissait dans le livre pour dire que ça n'allait pas du tout. Mais là, j'y ai pas. On l'a plus. Bon, il y a des photos, il y a certaines photos, c'est pas belle dans mon monde, bref. En tout cas, pour dire que ces histoires de milieu libre ou de colonie anarchiste, donc là, la colonie d'Aiglemont, c'est dans les années 1900, et moi j'ai l'impression que c'est un moment un peu particulier ces années-là. Faut dire que des lieux de vie collectifs, on pourrait en trouver à toutes les périodes de l'histoire, quoi. Ce qui est particulier à cette période-là, c'est qu'on arrive à la fin du 19e siècle, donc on est pris dans une dynamique qui est liée au mouvement ouvrier, mouvement révolutionnaire, et donc il y a vraiment cette envie de transformer le monde. Donc on peut faire des parallèles avec tout un tas de communautés plus religieuses, alors je pense plus aux communautés religieuses dissidentes. On pourrait faire des parallèles, ne serait-ce que, par exemple, sur l'alimentation, sur l'habillement, sur certaines réflexions sur les manières d'être ensemble. Sauf que peut-être pour moi la différence quand même, c'est que dans les communautés religieuses, on va plus être dans une dynamique de repli, des fois liée à la répression, hein, mais donc il y a quand même une forme de repli. Que là, il y a quand même toujours cette volonté d'avoir une prise sur le monde et d'agir dessus, quoi. Et pas n'importe quel monde, du coup, grosse critique de la société bourgeoise et du capitalisme. Ces lieux-là, ils apparaissent aussi à la suite des réflexions des premiers socialistes, et notamment, moi j'aime beaucoup Charles Fourier, mais bon, Charles Fourier, Cabet, Saint-Simon... Qui ont vraiment posé sur le papier des idées d'une société idéale. Alors, ils faisaient une critique de la société de leur époque. Genre, par exemple, Charles Fourier, il a beaucoup critiqué le commerce et l'industrie. Et après, il avait posé sur papier, voire de manière des fois très détaillée. On peut se moquer, enfin, des fois, on se moque un peu de lui parce que c'est toujours très... tout est très compté. Il avait dénombré toutes les passions qu'il pouvait y avoir. Et lui, il imaginait un monde qui serait basé sur le désir et sur l'envie et où les passions s'harmoniseraient. Et si je parle de lui, c'est parce que, clairement, ces premiers socialistes-là, ils restent des références pour ceux qui vont venir par la suite. Ils sont des références, et en même temps, on se distingue aussi d'eux, dans le sens où l'idée, c'est pas d'avoir un modèle complètement pensé à l'avance. Donc ça, c'est quand même assez critiqué. Et surtout aussi, c'est que ces premiers socialistes, ils viennent après... la période de la Révolution, et ils sont dans une dynamique plutôt de faire les choses, éventuellement même avec les puissants. Fourier, il a attendu pendant des années qu'il y ait quelqu'un, un mécène un peu riche, qui vienne lui financer ses projets, quoi. Et sa dynamique à lui, c'était que pour changer les choses, il y aurait un exemple, que tout le monde tomberait en extase devant cet exemple-là, et du coup, ça pourrait se répandre partout. De fait, les personnes qui fondent ces lieux-là dans les années 1900, ils s'en démarquent, ne serait-ce que parce qu'il y a un contexte historique par la suite qui montre que non, la révolution, le monde ne va pas changer de manière harmonieuse et tout le monde la main dans la main, mais qu'il y a des chances que ça soit assez violent. Et pour preuve, il y a 1830, il y a la révolution de 1848, où là, les gens, les ouvriers, toutes les personnes qui se mobilisent pour changer les choses, sont réprimées dans le sang, quoi. Donc, il y a 1848, il y a la commune, donc pareil, là, on fait le constat la bourgeoisie, les puissants, ils vont pas partir d'eux-mêmes, et quand bien même on essaierait de leur prouver que ça serait mieux pour la société, le monde, quoi, ça va pas marcher comme ça. Et qu'il va falloir, au contraire, sans doute, en passer par une expropriation, que ce soit de la propriété privée, des moyens de production, etc. Donc les personnes qui vont fonder ces lieux-là, ils sont pris dans ce contexte-là, à la fois de cette volonté de vivre ensemble et de vivre dès maintenant selon leurs idées, tout en étant les héritiers de ce 19e siècle qui est quand même très chargé, quoi. On en parlera tout à l'heure, mais Fortuné Henry, son père, il a participé à des revues fourriéristes, il a participé à la Commune de Paris, enfin voilà, ils ont quand même une histoire chargée, et en plus le mouvement anarchiste qui commence à se dessiner à la fin du 19e siècle, il subit aussi une répression assez féroce. Fin 19e siècle, après la Commune, il y a une renaissance des milieux ouvriers et des milieux révolutionnaires qui ont été quand même bien laminés. Et ça prend différentes formes, que ça soit par des formes de sabotage, de certains, on a beaucoup de traces de comment dire, d'attaques directes parfois contre les patrons, les usines, et c'est dans cette période-là qu'il y a aussi des ce qu'on a appelé des attentats anarchistes. Alors. Ça a aussi beaucoup été mis en avant par la presse à ce moment-là, mais souvent ça s'inscrit. Par exemple, le frère de Fortuné Henry, dont on va parler après, il a Émile Henry, il a posé a priori une bombe contre la compagnie des mines Carnot, contre laquelle il y avait une grève à ce moment-là. Il a été guillotiné parce qu'il a aussi lancé une bombe dans un café. En tout cas, voilà, c'est une période très très très mouvementée. Il y a vraiment un front très fort, quoi, contre et les anarchistes, mais aussi tout ce qui est milieu ouvrier. Et souvent, on présente cette période-là et la période d'après, les années 1900, comme un passage où on passe à d'autres modes d'action. Alors, je pense que c'est vrai, on passe à d'autres modes d'action, mais de fait, il y a énormément de perquisitions, il y a énormément de gens qui sont arrêtés. Je pense qu'on est un peu aussi contraint d'imaginer d'autres choses et qu'on ne peut pas agir comme on le faisait avant, quoi. Et c'est dans cette période-là qu'on voit apparaître les milieux libres. Alors, avec différentes influences aussi, parce que y a tout un courant qui réfléchit aussi à la question de l'éducation, de comment on change le monde, mais comment on se change soi-même, et comment on pense cette dialectique-là entre est-ce que si on change le monde, mais qu'on n'a pas commencé avant à changer, est-ce que ça peut marcher ? Enfin, il y a toutes ces réflexions-là. Il y a aussi la volonté de plus attendre les lendemains qui chantent, de se dire ça fait un moment en fait qu'on se dit que les choses vont changer. Et en fait, il faut peut-être commencer dès maintenant, qu'il n'y aura pas une rupture franche, mais que, enfin, si on attend une rupture franche, une révolution, mais que peut-être faut l'amorcer dans le moment présent. Donc il y a ces réflexions-là qui sont présentes. Et puis, on a aussi d'autres influences qui arrivent. Moi, j'ai l'impression que c'est assez européen. Je pense qu'il y a une certaine influence de Tolstoï et des colonies tolstoïennes qui viennent de l'Est. Je ne vais pas détailler tout ça, mais bon, voilà. Et puis, il y a aussi tout un mouvement, la Lebensreform, plus en Allemagne. Donc, tout ce qui est réforme des modes de vie et qui est aussi influente, même si elle est réappropriée, critiquée et repensée un peu différemment. Donc, voilà, du coup, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, et après, je vais laisser parler des gens. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ces créations de lieux là dans les années 1900, c'est que on a une critique de l'État très forte et de l'État et donc par là de toute forme d'autorité. Et on analyse l'État pas seulement comme le bras armé du capitalisme, mais comme aussi quelque chose qui a une emprise sur la vie quotidienne, quoi, et sur les rapports sociaux au quotidien. Et ces lieux-là, ils se créent vraiment dans une perspective d'imaginer un monde qui serait sans classe et sans État. C'est pensé toujours en lien avec les luttes qui sont en cours, toujours. Il y a des lieux différents, donc il y a des perspectives et des manières d'envisager les choses différentes. Mais quand même, quoi, moi, c'est ces lieux-là que j'ai trouvé assez... que j'étais étonnée de rencontrer, quoi, de cette richesse et de cette possibilité et de créer des lieux et d'agir sur différents plans de la vie quotidienne, mais aussi du monde du travail, etc. Voilà. Je pense que c'est même un peu une parenthèse, parce que, par exemple, après les années 1900, moi j'en parlerai peut-être après, mais il y a eu d'autres lieux, d'autres colonies qu'on continue d'être créées, et pour le coup, on a moins cette dynamique où le milieu libre, c'est à la fois un moyen d'éducation et un moyen de révolte. J'aurais voulu dire ainsi un petit mot. On parle de milieu libre. C'est vraiment un terme propre à ce moment-là. Je pense qu'ils ont créé aussi un nouveau terme, un peu pour se dire on fait quelque chose de nouveau, quoi. Ça donne un peu l'idée qu'il y a un nouveau terme. Alors c'est comme si on avait une nouvelle pratique. Et donc je pense pour se démarquer peut-être des pratiques d'avant. Mais on parle aussi de colonie anarchiste. Colonie, c'est dans le sens d'installation. Pour autant, je pense qu'il y a... C'est un mot, moi, pour moi, qui sonne un peu bizarre par rapport à l'histoire de la colonisation. Et je pense qu'il y a quand même des choses aussi à penser de ce côté-là. Parce que, alors là, pour le coup, c'est des colonies qui se créent en France. Mais on est quand même aussi dans le 19e, où il y a des colonies de peuplement qui se créent. Et voire même où où on envoie des éléments un peu dérangeants ou un peu remuants ou des pauvres pour aller aussi peupler les colonies. Il y a des enfants d'Élysée reclus qui étaient en Algérie. En Algérie. Ouais. Et qui étaient, mais ils avaient acheté ou pas volé, mais des terres, ils s'étaient installés comme les autres pieds noirs, mais avec une mentalité différente. Quoi. Bah, à l'origine, mais c'était un mouvement de colonisation en Algérie. Quoi. Ouais. Mais du coup, ça pose aussi question. Enfin, voilà, il y a des réflexions aussi là-dessus sur des colonies intérieures. Donc on est dans l'idée qu'on s'installe dans le monde bourgeois et voilà, quand c'est dans d'autres pays, c'est plus ou moins réfléchi et bon voilà. Tu peux dire deux mots sur le Costa Rica. Ah oui, voilà. Il y a ce par exemple, il y a ce bouquin là de Malcolm Menzies là qui s'appelle Mastatal, et donc lui il raconte comment là certaines personnes sont parties au Costa Rica. C'est les années 30, ça. Ça, c'est plus dans les années 20 et 30. Ouais. Pour le coup, là, les gens qui sont partis au Costa Rica, eux, c'est aussi parce qu'ils fuyaient la répression. Il y a aussi des gens qui partent et qui s'installent un peu partout dans le monde, et qui se regroupent pour vivre ensemble, mais parce que, de fait, ils ne peuvent plus rester en France, que ce soit pour des actions politiques, mais aussi, sont réprimés pour tout un tas de raisons, quoi. Mais il est très bien, ce livre-là, pour suivre un peu un parcours de gens qui sont partis au Costa Rica. Et après, ça montre aussi toute l'ambiguïté des rapports avec... Les populations locales. Ouais, et c'est pas toujours très glorieux. Oui. voilà. Du coup, la colonie d'Aiglemont, elle se crée après un premier milieu libre, le milieu libre de Vaud dans l'Aisne, qui lui fait beaucoup de publicité pour sa création, qui met vraiment en avant l'idée que là, on va expérimenter le communisme, et même on va vivre le communisme, et on va montrer que c'est possible en fait de le réaliser dès maintenant. Bon, voilà, ça suscite tout un tas de discussions et derrière ça, Fortuné Henry, il arrive avec l'idée de créer l'essai. Donc lui, il l'appelle plus milieu libre, mais il l'appelle l'essai, de manière un peu plus modeste, quoi, on va dire. Et là, pour le coup, il y a quand même une idée de faire une démonstration, mais ce ne serait pas une démonstration spécialement économique. Lui, il dit, de toute façon, il n'y a pas besoin de montrer l'intérêt du communisme ou le fait qu'on doive arriver à ça. On voit bien par le système actuel que ce n'est pas possible de continuer comme ça et qu'il faut arriver au communisme et que le système actuel ne fonctionne pas. Mais par contre, lui, ce qui l'intéresse, c'est de montrer comment on peut vivre sans autorité. Ce qui est un peu étonnant quand on voit le personnage, mais... voilà. Bon, voilà, mais moi, je m'arrête là un peu pour ce contexte. Donc, effectivement, je me suis intéressé à l'histoire de l'anarchie un petit peu sur le tard. Hein. Je suis un petit peu arrivé par une voie détournée, hein, comme Philippe le disait, à l'histoire de l'anarchie. Donc moi, en gros, j'avais envie de raconter une histoire. Donc je suis plutôt dessinateur, je suis également scénariste, je suis plutôt dessinateur à la base. Je crois que chacun de mes albums, c'est donc le troisième bande dessinée que j'ai faite. Chacune parle d'un événement historique particulier, précis. Donc dans les trois cas, c'est un peu l'époque 1900. C'est une époque qui m'intéresse beaucoup. Je crois que tu le disais un petit peu. C'est une période très intéressante. C'est une période charnière, je trouve, entre une société traditionnelle qui a duré très très longtemps, comme ça, des siècles, j'ai l'impression, et qui tout d'un coup, il y a une accélération qui se crée à partir du milieu du 19e siècle, la révolution industrielle, notamment, et l'émergence d'un tas de nouvelles idées, que ce soit sur le plan de social, politique, sur le plan artistique, le plan également de la scientifique, technologique. Il y a un nombre de découvertes faramineux entre les années 1880-90 et 1900-1910, etc. Dans la littérature, dans les arts plastiques, hein, le domaine qui m'intéresse. La décade 1900-1910, c'est quand même l'époque où on a vu apparaître le cubisme, on a vu apparaître les premiers tableaux. Le constructivisme aussi, qui est venu légèrement plus tard, les monochromes aussi datent de, par exemple, des années 1907-1910, l'art abstrait aussi, je crois que c'est daté de 1907. Donc il y a vraiment des révolutions qui se crée partout, et effectivement au plan européen, de la France à l'Allemagne, à l'Autriche-Hongrie, à la Russie, etc. Il y a une espèce de d'ébullition. Et donc en tout cas, voilà, cette époque m'intéresse. Moi, en fait, la fibre, quelque chose qui me faisait vibrer beaucoup, je voulais présenter, montrer la possibilité pour des êtres humains de vivre de façon très, très fusionnelle avec la nature. En fait, je voulais raconter une histoire de Robinson Crusoe. Ben, Robinson Crusoe, on en a déjà beaucoup parlé, on a déjà écrit sur lui, il y a déjà eu même des bandes dessinées qui ont été faites sur lui. Et bah, je me suis intéressé de façon un petit peu naïve comme ça. J'ai voulu voir si, dans cette période 1900, quel était le rapport qu'on pouvait entretenir avec la nature, comment on pensait la nature en 1900. Et bah, de fil en aiguille, en feuilletant, en fouinant un peu dans différents domaines, je suis tombé sur un article qui parlait de ces milieux libres, effectivement, et qui mentionnait notamment l'expérience de Vaud, dont Céline a parlé, et puis l'expérience en fait, ça se résumait en une phrase, l'article disait, voilà, avec le Mont dans les Ardennes a lieu également une expérience qui s'est intitulée L'Essai, et je me dis, tiens, les Ardennes... Aiglemont, etc. Donc j'ai tapé sur mon ordinateur Aiglemont, colonie, etc. Et je suis tombé sur un article plus conséquent, et là effectivement j'ai découvert l'existence de cette colonie. J'ai aperçu quelques cartes postales, dont celle-ci par exemple. Et ça, je me dis, tiens, mais c'est intéressant ça. Là, je voyais en fait un Robinson Crusoe moderne, quoi. Je voyais un personnage. On ne sait pas très bien, en fait. On voit un personnage qui est chaudement habillé, avec son chien, devant un petit cabanon, sur une lisière de forêt. Et puis voilà, ben, j'ai voulu en savoir plus. Je me dis, là, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'ai envie d'en savoir davantage. Et voilà, je me suis lancé là-dedans, à rechercher. Donc au début, c'était beaucoup Internet. Après, c'était la bibliothèque. Et puis voilà, il y a eu tout un travail passionnant, disons, qui a duré quelques mois de recherche, de lecture. Et en fait, je ressentais vraiment une sorte d'euphorie à découvrir cette histoire qui me plaisait, parce que, au travers d'une petite expérience, entre guillemets, enfin petite, limitée, qui se passait dans une région de France dont on ne parle pas beaucoup, qui n'est pas très connue par... Pour d'un point de vue touristique, d'un point de vue même historique, etc. C'est une région qu'on oublie un peu. Ben, il y avait une petite histoire qui, pour moi, pouvait rejoindre quelque chose de très universel, qui est peut-être ce que moi j'appelais un contact entre les hommes et la nature, et puis la tentative de recréer à partir de zéro, de revenir aux bases, à la source, et de recréer une société différente qui soit débarrassée de toute la corruption, effectivement, tous les vices qui sont apparus au cours de l'histoire. Donc voilà, donc me voici plongé dans cette colonie d'Aiglemont. Et puis voilà, donc à partir de là, ben les informations, les centres d'intérêt commençaient à se diversifier comme un petit peu un arbre, différentes branches, comme ça. Il y avait ces personnages, qui ils étaient. Donc j'ai découvert un petit peu, entre guillemets, le fondateur de cette colonie. Donc ce personnage, c'est Fortuné Henri. Fortuné Henri, donc il fait partie d'une famille. En fait, on l'appelle... Son vrai nom, c'est donc Jean-Charles Fortuné. Fortuné, c'est son troisième prénom. Henri, donc il est né en 1869. C'est le fils aîné d'un autre Fortuné Henri dont Céline parlait, qui s'est fait remarquer au moment de la Commune, qui était une famille originaire du sud de la France, qui était un personnage assez, assez fascinant aussi. Apparemment, je connaissais pas grand-chose. Les informations que j'ai pu recueillir sont encore un peu parcellaires. C'est sur le père, c'était à la fois on le voit à la fois comme maroquinier, fabricant de bottes, également comme chansonnier. Il écrivait des chansons, il a fait un recueil de chansons pour les enfants. Également, il a toute une activité politique de journalisme politique, et très engagé contre ce qui était à l'époque la société, le gouvernement de Napoléon III. Et effectivement, des liens aussi, le père entretenait des liens avec les idées fourriéristes, avec notamment Considérant, je crois. Il était déjà imprégné de cette idée de fonder des micro-sociétés à partir de bases nouvelles, etc. Et donc Fortuné Henry, qui a eu un jeune frère qui s'appelait Émile Henry, hein, qui, à l'âge de 22 ans, donc, a effectivement posé au moins deux bombes dans Paris. Le deuxième attentat qu'il a fait en 1894, donc il s'est fait arrêter quelques minutes après avoir fait exploser une bombe dans un café parisien. Donc il y a eu un procès qui a été mené, donc où il a été reconnu coupable et guillotiné. Et donc Fortuné, lui, était à l'époque déjà emprisonné, à l'époque du procès, était en prison également pour incitation à l'émeute, voilà, à l'insurrection. Et ensuite, on a pareil des informations un petit peu parcellaires sur Fortuné Henry. On sait c'est une sorte de personnage un peu comme le père, Fortuné père. C'est des personnages un peu, pour moi, un peu caméléon, c'est-à-dire que on dit d'accord, voilà, c'était Fortuné, par exemple, on voit qu'il était représentant pour une compagnie de pharmacie, après il était représentant pour un chocolatier, après il était conférencier, après il était par exemple, j'ai vu récemment un acte où on le voit sous le terme de voyageur aussi. C'est un journaliste aussi, donc c'est aussi quelqu'un qui a séjourné dans les Ardennes, on sait, dans les années 1890, donc avant de s'installer en 1903, de fonder cette colonie. Voilà, donc en tout cas, ensuite il y a différents textes qui parlent de la fondation de cette colonie. Donc il y a une sorte de moment très fort, un moment fondateur qui est daté de juin 1903, où on parle d'un personnage qui débarque à Aiglemont, dans les Ardennes, muni d'un baluchon, de quelques outils, et accompagné de son chien, et qui se dirige jusqu'à une clairière, et donc là qui pose ses affaires et qui dit « c'est ici que je vais poser les fondations d'une société nouvelle, hein, donc, qui est devenue en fait la colonie d'Aiglemont ». Voilà, je sais pas si. Est-ce que je continue ou... Ah, bah oui, je pense. Ouais. Oui, je sais pas, tu veux bien. Tu veux bien. Du coup, sur Aiglemont, ce que je trouve vraiment intéressant sur celui-là, peut-être même par rapport aux autres, c'est que Fortuné Henry, il vient dans les Ardennes, il est déjà venu dans les années 1890 parce qu'il y a des groupes. Il y a des groupes organisés là-bas, alors qui s'appellent les Sans-Patries, qu'est-ce qu'ils ont comme... Les Déshérités. Et donc, lui, il s'y rend pour faire des causeries. Et en fait, dans les années 1890, il y a des grèves assez fortes. Parce qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on est dans la vallée de la Meuse. Donc, il y a la Meuse qui coule, entourée par les forêts. Et le long de la Meuse, il y a les usines, quoi. Et il y a des grosses usines, quoi, vraiment, dans des petits villages... Et donc dès les années 1890, c'est des usines de métallurgie, donc la fonte et tout ça, on imagine aussi le bruit en permanence des pilons, enfin, et donc des grosses usines qui sont créées dès le début du 19e. Et d'ailleurs c'est assez fou parce que maintenant quand on regarde les familles de l'époque qui ont créé ces usines là, c'est toujours des grosses familles très riches, c'est toujours les mêmes, Enfin bon. Et 1890, y a déjà des premières grosses grèves. Y a déjà des gens qui sont envoyés au bagne parce qu'ils ont attaqué la maison d'un patron, ou parce que, principalement ça, on les a retrouvés avec de la dynamite ou des choses comme ça. Parce que les grèves sont assez musclées, quoi. Elles durent plusieurs mois, et puis on utilise un peu différents moyens pour poser une certaine pression. Et Fortuné Henry, il revient dans les années 1900, et quand il s'installe, donc il connaît déjà un peu des gens sur place, quoi. Et alors, il s'installe dans les bois. Moi, ça m'avait surprise de voir qu'il se mettait tout d'un coup au milieu de la forêt et tout. Mais c'est pareil, dans la forêt des Ardennes, y a énormément de gens qui vivent, en fait, jusque dans les années 50, mais qui vivent même la moitié de l'année. Tout ce qui est charbonnier, bûcheron, vu qu'il y a, ça change dans les années 50, parce que dans les années 50, il y a les premières grosses machines, les véhicules qui permettent de transporter le bois. Jusque-là, il n'y a pas. Donc, il y a aussi une partie des gens qui vivent dans la forêt 6 mois de l'année. Du coup, c'est vrai que quand on voit cette image qu'il a refait en plus pour la carte postale, ça paraît un peu fou, mais en fait, ça correspond aussi à un contexte de vie à ce moment-là. Et donc, il s'installe là, et bon, évidemment, après, il reste pas habité dans cette petite cahute-là, mais après, il monte des gros bâtiments. Et ce qui est intéressant par rapport à d'autres lieux, c'est que voilà, il s'installe là, il connaît déjà des gens sur place, et en fait, ils vont assez vite. Donc, ils font du maraîchage en étang, ils essayent d'avoir des moyens pour subvenir à leurs propres besoins sur place, en disant aussi que pour eux, c'est important pour pouvoir continuer la lutte par ailleurs. Et donc ça, c'est un des points importants, quoi. C'est qu'il y a la démonstration de montrer qu'on pourrait vivre sans autorité, mais il y a l'idée aussi d'avoir un point de chute où on peut venir là si on se retrouve sans travail, qu'on a un souci, je pense même peut-être si on avait un souci au niveau répression ou quoi, encore qu'ils étaient quand même pas mal surveillés, finalement au milieu des bois c'est pas si évident parce que bon, on les voyait quand même passer à la gare, etc. Et au bout d'un moment ils vont imprimer un journal qui s'appelle Le Cubilo, et qui est vraiment un journal de liaison ouvrière, quoi. Et ce journal, il va vraiment prendre une place assez importante dans le coin, ne serait-ce que parce qu'il se fait le relais de ce qui se passe dans les usines. Donc il y a des fiches notamment sur tous les patrons, et c'est assez intéressant parce qu'ils font vraiment, ils détaillent de ce qui se passe dans l'usine, à quoi il faut s'attendre si on va s'embaucher là-bas, et même ils balancent sur les contremaîtres, sur les patrons, ils font aussi le relais de toutes les luttes qu'ils peuvent y avoir, voire même de se dire ok, là-bas il y a des gens qui ont été renvoyés, il ne faut pas aller s'embaucher là-bas si vous venez dans le coin, bref. Et donc voilà, et du coup ça participe aussi d'une dynamique où il y a des syndicats qui se remontent. Alors c'est les syndicats des années 1900, quoi. On est dans le syndicalisme révolutionnaire, d'action directe. Et voilà, et le dimanche il y a les causeries qui se font à la colonie. Et sur la colonie, moi ce qui me paraît assez important, souvent on parle de comment durent ces lieux et ce qui amène à la chute. On parle souvent des histoires au sein des lieux. C'est sûr qu'il y a plein d'histoires entre eux et plein d'embrouilles. Mais par exemple, à Aiglemont, il y a quand même une grosse grève qui se tient pendant que la colonie existe et pendant qu'on a pris le cubilo là-bas. Une grosse grève qui dure 3 mois et où les gens sont vraiment très impliqués, quoi. C'est en 1907. Par ailleurs, en France, il y a tout un tas de grèves à la même période. Au même moment, il y a une grève à Raon-l'Étape où il y a des gens qui sont fusillés. Et quand la grève s'achève, il y a déjà tout un tas de répressions aussi. Il y a une perquisition qui se fait à la colonie. À la suite de la grève, elle s'achève de manière... Enfin, c'est pas une victoire, en fait. C'était des règlements que les patrons voulaient passer dans les usines. Soi-disant, c'était l'anarchie dans l'usine. Les ouvriers faisaient ce qu'ils voulaient, donc on met un règlement draconien, et donc dans toutes les usines du coin, à Revin, ça se met en grève, et on a des manifs de 1000 personnes dans les petits... Et en fait, ça dure un moment, il y a tout un tas de pratiques de solidarité et d'entraide. Moi, c'est ça que je trouve aussi intéressant sur cette période-là. Par exemple, il y a les enfants, il y a l'exode des enfants, donc les enfants partent dans d'autres villages où les gens les accueillent parce que là, ils ont les moyens de leur donner à manger et puis d'être avec eux, quoi. Les gens aussi partent s'embaucher ailleurs pour pouvoir alimenter la caisse de grève. Il y a des grosses cantines pour que tout le monde puisse trouver au moins à se nourrir. Et donc voilà, il y a tout ça qui se met en place. Il y a aussi des coopératives qui se créent. Donc on crée des fonderies qui sont gérées par les ouvriers eux-mêmes. Tout ça dans cette période-là, quoi. Et mais bon, voilà, la grève se termine plutôt par un échec. Et ça, je pense que ça participe un peu aussi de la fin de la colonie. Parce que bah, y a ça, il y a une répression policière, il y a le journal Le Cubilo qui se fait condamner plusieurs fois pour des articles antimilitaristes. Fortuné Henry se fait condamner pour violence contre un douanier, je crois. C'était imprimé sur place ou ouais. Ils avaient une imprimerie ? Alors, pourquoi ils avaient une imprimerie sur place ? C'est qu'en fait, au départ, c'est imprimé dans d'autres imprimeries, mais assez vite, il y a des pressions qui sont mises sur les imprimeurs, de dire, bah non, si vous continuez à imprimer c'est ce genre de publication, on va vous retirer tous les autres contrats, quoi. Donc, c'est aussi ce qui explique aussi que dans ces lieux-là, il y avait souvent une imprimerie. À Aiglemont, il y en a eu, il y a d'autres lieux où, en fait, ils avaient une imprimerie. Donc ouais, Le Cubilo était imprimé avec le mot. Et voilà, donc il y a là, cette grève qui se termine, voilà. Il y a des arrestations. Et puis, il y a aussi une espèce de campagne qui est menée contre la colonie, parce qu'il y a des cambriolages qui ont lieu un peu partout autour. Dans les maisons, dans les riches, dans les maisons des bourgeois et des maisons assez cossues, quoi, forcément. Enfin, de toute façon, on ne va pas aller faire un cambriolage. Bref. Mais toujours est-il qu'il y a des cambriolages qui sont faits et qu'on accuse des gens qui sont proches de la colonie, ce qui n'est pas complètement improbable, puisqu'à l'époque, on parlait beaucoup de la reprise individuelle, et qu'il y a cette idée que de toute façon, aller se servir là où sont les richesses, voilà. C'est aussi une manière de subvenir à ses besoins. Donc voilà, donc en plus, il y a grosse campagne contre les gens de la colonie, dans les journaux conservateurs du coin, et les gens finissent par partir petit à petit. J'ai l'impression que ça se termine un peu comme ça, quoi. Voilà, oui, on sait. Moi, j'ai pas très bien compris, effectivement. Enfin, on trouve pas de texte vraiment très clair sur les causes de la fin de la colonie, je crois. Hein. C'est effectivement des déductions. J'ai l'impression que c'est un ensemble de causes à la fois internes et externes dans les rapports, effectivement, à la société environnante. Hein. Il y a notamment, on peut revenir aussi sur la personnalité de Fortuné Henry, hein, qui présente une sorte de contradiction, parce que c'est un personnage qui est décrit comme un personnage très charismatique, hein, c'est quelqu'un qui peut être devant une salle de plusieurs centaines, de 200, 300 ouvriers, et vraiment enflammer la salle comme ça, faire monter la tension. C'est un excellent orateur, hein. C'est quelqu'un qui a des idées particulièrement, qui a une conscience extrêmement aiguë de la révolution, etc., qui n'hésite pas à inciter à utiliser la violence, hein, pour venir à bout, oui, des abus des patrons, etc. Et c'est quelqu'un qui est en fait un peu victime de son charisme, de l'influence qu'il a sur les autres colons. Déjà, chronologiquement, voilà, il arrive le premier sur les lieux, il est à l'origine du projet, donc il dit dès le départ, quand lui écrit par rapport à son projet, j'ai l'impression qu'il fait presque exprès de dire nous, etc., nous avons voulu faire ça, alors que dans les faits, il est quand même tout le temps à l'initiative de n'importe quel changement de direction, n'importe quelle évolution dans la colonie, la création d'un nouveau bâtiment, mais il est toujours derrière. Il va choisir, par exemple, donc là c'est un premier bâtiment, donc il y a les petites cabanes, la petite hutte qui a servi un été, donc, qui était quasiment monoplace, hein, où il dormait tout seul avec son chien. Et donc cette maison-là qui est faite en torchis avec un toit en espèce de chaume, ça a été construit l'hiver suivant, l'hiver 1903-1904. Et suite à ça, il y a eu un deuxième bâtiment plus grand, plus important, qui a été construit avec des techniques plus modernes, en fait, en fibrociment, etc. Donc, techniques très ultra modernes, en fait. Et là, par exemple, il y a un passage, un article qui dit que Fortuné Henry a voulu un immeuble particulièrement grand, Alors que les autres colons disaient, mais c'est pas besoin, ça va nous coûter trop cher, ça sera trop difficile à entretenir, etc. Lui voulait du grand, quoi, du solide, etc. Et donc, il se trouve que cette personnalité donc très, très énergique, etc., tôt ou tard, il fallait qu'il y ait des étincelles, et donc il y a des récits d'incidents. Donc c'est pas au début de la première année, ça se passe très bien, deuxième année très bien, en plus la deuxième année. Donc la première année c'est une installation, deuxième été, là ils commencent à mettre effectivement en culture la clairière. Ils achètent des animaux, des poules, des canards, quelques chèvres. Donc ils installent aussi des couveuses, etc. Donc il se trouve en plus que l'année 1904 c'est un été très sec, il y a une vague de sécheresse, hein. Donc dans les villages alentours, les paysans qui cultivent leur potager ont des récoltes misérables, et en fait eux qui sont dans la forêt, qui sont au milieu de sources, tout ça, dans un milieu très humide, en fait, ils vont avoir un potager miraculeux avec des choux énormes, etc. Et donc ça va être une année très faste. Ça va être une année en plus où vraiment d'expansion. Et l'année suivante, ça va être l'inverse. Il va pleuvoir sans arrêt, etc. Donc eux, ils vont se retrouver dans une espèce de bourbier. Et en fait, c'est un petit peu lié aussi à des tensions qui arrivent avec d'autres colons. Il y a le récit d'un charpentier, qui est un charpentier parisien qui vient aider à construire le grand bâtiment, et qui raconte qui est témoin de scènes aussi de conflits violents avec Fortuné, notamment, qui dit, si vous n'êtes pas content, vous rentrez chez vous, etc. Il y a un côté autoritaire, hein, de Fortuné Henri, qui émane de sa personne, qui est là, et qui fait que ça devient difficile à gérer. Et puis effectivement aussi, comme Céline le disait très justement, la petite histoire de la communauté d'Aiglemont est rattrapée par la grande histoire des mouvements sociaux et du début du XXe siècle, et particulièrement à partir de 1905-1906. Les grandes grèves qui durent des mois, c'est 1905, 1906, 1907. C'est en plein dans la colonie. La colonie a vécu peut-être un ou deux ans assez paisibles, où ils étaient très orientés, plutôt orientés sur eux-mêmes, un peu sur leur propre développement. Et puis y a l'histoire, il y a les villages à côté, les ouvriers qui sont là, qui croisent chaque semaine et leur disent voilà, mais c'est pas possible, etc. Il faut fasser quelque chose. Et là, on a l'impression qu'ils mettent un peu de côté, finalement, le beau projet, un peu cette belle utopie, de la mettre de côté. Et puis, ils se réengagent corps et âme dans la lutte syndicale, ouvrière, etc. Ça va presque un peu trop vite. C'est-à-dire qu'en quelques années, ça devient difficile à gérer, parce qu'il y a aussi tous ces problèmes. Ils sont constamment à la recherche d'argent. Ils ont très peu de moyens. Le pécule qu'ils avaient au départ, c'est, disons, 80% utilisé pour acheter ce terrain, parce qu'ils sont obligés d'acheter, même si c'est clair qu'ils annoncent bien que la propriété est la source d'une des grandes causes des maux de la société, quoi, hein, mais bon, il faut qu'ils en passent par là. Donc ils ont pas beaucoup d'argent. Et puis ils se lancent dans l'imprimerie. Il faut qu'ils récupèrent une imprimerie, une presse, etc., du papier. Et donc ils se retrouvent un petit peu dans une espèce d'engrenage qui dépasse un peu leurs moyens, leur énergie. Et donc c'est vrai que on a l'impression que ça part, c'est une espèce de machine qui est lancée et qui a un peu du mal à retomber sur ses pattes. Quoi. Combien il y a eu de personnes qui, au maximum, on le sait ? Qui vivaient peut-être sur place, peut-être 10, 15, je crois, jusqu'à 17 ou quelque chose. Enfin, oui, de ce qu'on arrive à savoir, mais oui. Après, il y a du passage. Oui, entre 15 et 20. Ouais. Et est-ce que, comme d'autres communautés, alors là, il y a un livre, là, Tony Legendre, il parle d'une communauté qui a eu un peu plus au sud, du côté de Château-Thierry, à Vaux et à Bascon. Et il y avait une espèce de, entre guillemets, comité de soutien. Mmh. Et donc il y avait l'argent arrivé par des gens qui étaient à Paris, mais qui soutenaient l'expérience. Est-ce qu'eux, ils étaient soutenus comme ça? Bah oui, mais oui, carrément, parce que Fortune Henry, il a fait beaucoup de souscriptions. Et voire même, ils ont un peu piqué la vedette à Vaux, parce qu'en fait, Vaux, ça a fonctionné aussi comme ça, sauf que Vaux, ils avaient aussi mis en place un système de coopérative. Donc la coopérative de production était à Vaux, donc il y avait des tailleurs, des cordonniers, ouais. Donc ils réalisaient sur place, et après, c'était vendu à Paris. Et donc ils s'étaient organisés comme ça. Et en fait, le milieu de Vaux n'a pas forcément été très bien accueilli. Enfin, si, il y a eu un soutien dans la presse libertaire et tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que Fortuné Henry, qui est effectivement un peu une figure dans le milieu anarchiste de cette période-là, il est un peu arrivé en effaçant la première expérience, quoi. Le contre Vaux. Ouais, un petit peu. Et donc, eux, ils ont eu pas mal de soutien. Et voilà, et Fortuné Henry, il a aussi eu le soutien de personnes un peu influentes du mouvement, quoi. Il y a même des gens qui l'ont reconnu, qui disaient qu'ils ont critiqué Vaux quand ça s'est mis en place, en disant « vous prétendez créer un lieu en dehors de la société telle qu'il existe ». Et par contre, quand c'est Fortuné Henry qui l'a créé, ça a un peu changé la donne, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes relations. Donc il y a eu pas mal de soutien, beaucoup de visites, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus voir l'expérience d'Aiglemont, et voilà, des grosses souscriptions, quoi. Bon, j'imagine jamais été... voilà, l'argent n'a jamais été remis après, mais... Donc, ouais, c'était beaucoup comme ça que. C'est important de dire aussi, c'est les cartes postales, c'était pour soutenir. Oui, et je pense qu'elles étaient tirées à des centaines d'exemplaires, que ça se vendait bien. Et c'est pour ça qu'on en a réussi à en retrouver d'ailleurs. Bah, les cartes postales, les brochures et puis le journal. Et aussi sur cette histoire d'argent, moi, ce que je trouve intéressant entre les deux lieux, c'est que Vaux, dans cette idée de. Ils étaient vraiment dans l'idée de vivre le communisme. Donc, à chacun selon ses. ses besoins, à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et ils étaient beaucoup sur montrer les recettes, qu'est-ce qu'ils dépensaient et tout ça. Et ils ont eu du mal parce qu'ils partaient avec pas grand-chose. Et voilà. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont participé à Vaux qui sont partis sur des histoires de réduction des besoins, de se dire si on veut aussi sortir du travail, ne plus avoir de patron et donc se débrouiller par nous-mêmes. Qu'ils n'avaient pas toujours le choix de faire d'ailleurs, il faut qu'on réduise nos besoins. Donc voilà, donc il y a eu beaucoup ces histoires-là qui sont arrivées, et Fortuné Henry, il n'était pas du tout sur cette dynamique-là, quoi. Lui, il disait, le communisme, en tout cas, ce qu'on veut réaliser, c'est plutôt l'abondance, et du coup, et c'est pas, enfin voilà, si on est dans un contexte précis, réduire nos besoins. Avant de continuer, t'as un monsieur qui va intervenir. Oui, non, justement, c'était pour poursuivre votre réflexion, pour savoir concrètement comment ça se passait. Il y avait des décisions communes, il y avait des réunions tous les matins, je pense complètement comment l'anarchisme se vivait au quotidien. Bon, à Aiglemont, il y avait les conseils de famille. Donc c'était le soir, après le repas du soir. C'était, je ne sais pas si c'était tous les soirs. Hein. C'était en tout cas fait de façon assez régulière. Et voilà, donc une assemblée autour de la table, informelle, où étaient effectivement décidés les travaux du lendemain, les orientations. Conseil de famille, ils appelaient ça. C'était les familles ou c'était les c'était... adultes Non, il y avait les familles. Il y avait quelques familles. Il y avait quelques familles. Hein. Donc Fortuné Henry a fait venir sa compagne, qui avait une petite fille, une petite gamine de 10 ans, qui était la fille d'un précédent compagnon. Hein. Il y avait aussi, notamment, il y a le témoignage d'une famille, un couple avec deux enfants, deux garçons. Hein. Donc on a leur nom. C'était plusieurs des colons venaient de la région parisienne. Il y avait plus d'hommes que de femmes. Les femmes étaient vraiment sous-représentées. Il y avait la compagne de Fortuné, il y avait une vieille dame, une veuve apparemment, qui était un peu la cuisinière de la colonie. Voilà, plutôt des hommes, pas mal de célibataires, etc. Et les enfants étaient élevés par les parents, c'était les éducations collectives. J'ai trouvé la mention d'éducation collective. En fait, c'était des tout petits groupes d'enfants, il devait être, je ne sais pas, peut-être 3, 4, 5 enfants maximum, hein, a priori. Et il y a une mention où un des colons faisait cours à ses enfants sous les arbres. De la carrière. pour le coup, moi je trouve qu'Aiguillemont, sur la question des enfants, ils avaient un positionnement. Enfin, ils avaient un positionnement plutôt intéressant de dire que souvent on considère l'enfant comme la propriété de ses parents et qu'Aiguillemont, il critiquait ça. Donc de cette vie commune, voilà, les enfants, ça appartenait à eux-mêmes, ils n'appartenaient pas à leurs parents. Et ça s'est exprimé aussi dans le fait qu'il y a eu un enfant qui est né à la colonie d'Aiguillemont. Et c'est la sage-femme qui a déclaré la naissance. Et donc il n'y avait pas de parents d'indiquer, quoi. Voilà. Mais par ailleurs, sur les histoires de famille et de dans d'autres milieux libres, par exemple à Vaud, ça s'est posé clairement que ça pouvait être aussi des lieux où les femmes pouvaient venir indépendamment d'un homme, quoi. Ça n'a pas du tout été le cas à Aiguillemont. Et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils ne sont pas du tout positionnés là-dessus. Et alors à Vaud, ça a été mis en avant. Et dans l'idée aussi que des femmes puissent venir là. À l'époque, on était, jusqu'en 1907, on était encore... les femmes, pour travailler, devaient avoir l'autorisation de leur mari, quoi. Et donc, il y a certains lieux qui sont positionnés aussi comme des lieux où les femmes pouvaient venir sans... Enfin, voilà, et vivre là et voilà, sans dépendre d'un homme, quoi, d'un mari, ou ni mari ni patron, quoi. Et voilà, et par contre le mot je sais pas, ça est passé à la trappe, je sais pas, ils ont son ouais. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que, enfin, d'après ce que j'ai trouvé sur Aiguillemont, il y a encore, c'est pas encore bien clair, c'est-à-dire qu'il y a dans les écrits, par exemple, il y a une petite brochure qui s'appelle En communisme, qui a été écrite par un des colons, qui s'appelait André Mounier. Donc là c'est une description, c'est un petit peu à visage de propagande, mais enfin, il décrit quand même assez clairement, ils donnent leur programme, quoi, en fait. Hein, il y a un passage sur les femmes où ils disent que, nulle femme ne peut être la propriété d'un homme, même si c'est sa compagne. Donc là, ça dit déjà... clairement, ça indique que la femme elle a exactement les mêmes droits qu'un homme, les mêmes libertés. Et en fait, je sais pas, il m'arrivait dans des séances... Enfin, quand j'ai rencontré des lecteurs, par exemple, par rapport à cela... En bande dessinée, il me disait, mais alors c'est l'amour libre. En théorie, c'était possible, mais en pratique, ça paraissait malgré tout beaucoup plus traditionnel. Effectivement, les couples, les quelques couples qu'il y avait étaient quand même bien restés a priori ensemble. Il ne fallait pas trop toucher. Il y a eu une petite anecdote aussi entre un des colons qui regardait un peu trop près la compagne de Fortuné. Ça, pareil, ça a été cause de tension. Donc ça restait traditionnel. Il y a aussi un passage où, en fait, par exemple, le premier hiver, c'était que des hommes. Il y avait Fortuné, il y avait quelques colons qui étaient avec lui, c'était que des hommes. Il disait, quand la compagne de Fortuné et une autre femme sont arrivées à la colonie, c'était un soulagement, notamment parce que pour les activités de la cuisine, de la lessive, du ménage... Or, c'est des choses, enfin, voilà, c'est pas la peine d'être communiste, d'être anarchiste pour avoir ce type de réflexion, mais enfin, bon. Donc, même au niveau des tâches, voilà, il y avait encore une... c'était pas les... Il y avait une... Enfin, pas égalité, voilà. Il y avait les femmes étaient plutôt aux tâches ménagères, les hommes étaient plutôt dans les champs. Après, c'est pareil, du coup, sur ce lieu-là, en particulier, ça se passait comme ça, mais il y avait d'autres lieux où... Parce qu'on peut aussi se dire, c'était il y a 100 ans, du coup, peut-être qu'il n'y avait pas les mêmes questionnements et tout. Il y avait d'autres lieux où c'était déjà des questionnements qui étaient posés, de savoir comment se partager les activités, qui faisait quoi. Et alors, c'est vrai qu'on a certains lieux où on a la description idyllique où chacun fait ce qu'il veut et va à l'activité qui lui plaît, les femmes à la cuisine et les hommes dans les champs. Enfin, donc, il y a des descriptions idylliques sur certains endroits, mais c'est déjà des questionnements qui étaient présents. Et voilà, et donc cette volonté que les femmes puissent venir sans un mari, et aussi qu'au niveau des tâches, ça soit pas nécessairement les femmes qui soient à la cuisine. Alors, pas forcément à Vaud, mais un autre lieu après, à Bascon, ça s'est clairement posé. Ça a été questionné, cette manière-là de fonctionner. Et la famille était remise en question aussi, bien sûr, le mariage. Après, pareil, à Aiguillemont, ça reste a priori assez traditionnel. il y a d'autres lieux où, où les relations... On critique le mariage, du coup on parle de l'union libre, mais ça a critiqué aussi l'union libre en termes de... Ben, ouais, le couple était critiqué lui aussi. Ouais. Et d'ailleurs, des gens qui ont commencé à réfléchir à ces questions-là ont continué à en parler par la suite, à parler de camaraderie amoureuse. Voilà. Et c'est il y a notamment une femme, qui s'appelle Marie Kugel, qui a enfin, il y a plusieurs femmes, en fait. Souvent, on ne parle pas d'elles parce que je ne sais pas si c'est l'histoire, l'historien ou quoi. Alors, généralement, on parle des hommes. Là, on parle de Fortuné-Henri, pas de bol pour cette colonie-là. Il y a surtout Fortuné-Henri dont on a entendu parler, dont on a des écrits. Mais d'autres lieux, il y a des femmes qui sont présentes et qui écrivent. Et elle se positionne sur ces questions-là, de dire que c'est pénible d'être toujours considérée comme la compagne d'eux. Et elles sont très actives, elles écrivent, elles sont présentes. Et justement, c'est peut-être dans ces lieux-là où on les découvre un peu plus, parce que comme c'est des lieux de vie commune, on les découvre peut-être plus que dans d'autres publications ou d'autres groupes. Et ça va de pair aussi avec tout un tas de réflexions sur la contraception et l'avortement, où on diffuse aussi pas mal les moyens de contraception et d'avortement dans ces lieux-là. C'était quand même très présent. Alors oui, on revient aussi par rapport à est-ce que tu peux passer je vais voir le nouveau bâtiment là, non. Ou le sujet par exemple. Donc là on voit c'est le bâtiment, c'est le dernier bâtiment qui a été construit, hein, c'est le bâtiment en fibrociment. Et donc on a une description de ce bâtiment, et pour prolonger un petit peu ce qui a été dit, il était indiqué que chaque colon avait sa chambre, en fait, avait une chambre individuelle, donc homme ou femme, et donc il n'y avait pas, a priori, une chambre pour un couple, pour une famille. Et il y avait la plus grande des pièces qui était au premier étage, c'était une pièce qui était réservée aux enfants. Donc ça implique que les enfants des différents couples étaient en fait regroupés dans une seule chambre. Donc il y a quand même ce système communautaire qui est présent, quoi. Hein, Et après, souvent dans ces lieux-là, donc il y avait l'imprimerie et puis il y avait souvent un projet d'école, quoi. Donc il y avait pas mal de femmes qui étaient il y en avait certaines, c'était des institutrices ou des institutrices qui avaient démissionné, et donc on crée aussi une école, quoi, avec toute une réflexion sur la pédagogie qui était aussi beau. C'était une école un peu du quotidien, en fait, de tout ce qui pouvait se faire, de partager aussi certaines activités des adultes, pour regarder les photos. Sur celle-là, c'est typiquement, c'est que les dimanches, il y avait pas mal de visiteurs qui venaient. Donc faut imaginer aussi, à l'époque on se déplaçait pas mal à pied, sans doute plus que maintenant. Donc il y avait beaucoup de monde qui passait des villages voisins. Et même de plus loin, en fait, il y avait... peut-être, les Ardennes, ça faisait un peu loin, mais par exemple, à Vaud, il y avait des gens qui partaient de Paris pour aller à Château-Thierry, pour aller passer la journée. Oui, c'était marqué, vous descendez de la gare, vous prenez la rue. Enfin, dans les journaux, c'était expliqué comment y aller. Et puis souvent, il y avait des discussions, il y avait des brochures à prix libre. Il y a Victor Serge qui décrit bien comment il arrive. Lui, il débarque de Belgique et il arrive dans les Ardennes, hein, comme ça, un dimanche... Et donc il y a plein de gens en train de discuter, il y a quelqu'un qui harangue la foule en faisant une causerie sur l'amour libre d'ailleurs, et puis Oui, ce côté pédagogique, hein, est tout à fait intéressant. Effectivement, le dimanche, oui, moi j'aurais bien aimé être là, notamment ces dimanches là, les causeries du dimanche. Oui, les causeries du dimanche, et c'est un côté, il y a par exemple notamment des journalistes aussi, des journalistes étaient invités, font des comptes rendus, et très souvent c'est des comptes rendus extrêmement positifs, vraiment ils reviennent enchantés de ce lieu, où ils entendent les oiseaux qui chantent, tout le monde a l'air souriant, en bonne santé, le temps allé, etc. Et par exemple aussi les colons donc, ont reçu en cadeau une vache. Et donc après aussi on servait par exemple un verre de lait, on offrait un verre de lait aux enfants des visiteurs. Pendant effectivement que les parents avaient droit à la causerie. Est-ce qu'il y avait un régime spécial parce qu'à Vaud ils étaient végétaliens, dans, on dirait vegan aujourd'hui, abstinents, il n'y avait pas d'alcool, tout ça. Est-ce que là on a des. Dans les textes on voit s'ils parlent de la bouffe et, oui. En fait, ils disent qu'ils n'étaient pas végétariens stricts, mais c'était encouragé. Hein, c'était encouragé. C'était encouragé. Également, l'alcool, ils disaient qu'ils touchaient peu à l'alcool, mais pareil, ils voulaient pas. Enfin, c'était pas un refus total. Il y a une anecdote qui est un peu vers la fin de la colonie où Fortuny Henry était de plus en plus absent, de plus en plus. Parti pour notamment des conférences à droite et à gauche et par exemple il y a une anecdote qui est un petit peu qui dit en tout cas que Fortuny Henry revenait d'une de ses causeries par exemple d'un séjour à Paris et il venait avec ses idées en disant voilà il faut qu'on devienne tous végétariens etc. c'est comme ça c'est la nouvelle il faut qu'on soit végétarien et les colons se plaignaient, disaient mais regardez on a trimé toute la journée dans les champs, tout ça, on est fatigué, on a le droit de manger une poule de temps en temps, etc. Donc c'était pas voilà, c'était l'idée était là, mais c'était pas appliqué à 100% non plus. Après sur l'alcool, c'est vrai qu'il y avait une critique par rapport à l'alcool, mais qui était aussi liée à la réalité de. Bah, du travail, quoi. Que du coup, il y avait la journée de travail et le soir, on allait au bistrot. Alors, c'était à double tranchant parce qu'il arrivait souvent que les bistrots soient tenus par des anciens ouvriers qui s'étaient fait licencier ou qui avaient été mis à l'index, quoi. Mais en même temps, il y a aussi des bistrots où, en fait, on venait récupérer sa paye là, quoi. Donc, il y avait plus ou moins un arrangé, enfin, je sais pas comment ça arrangeait avec les patrons, mais qu'en fait, voilà, la paye, on venait la chercher là, quoi. Donc, souvent, on en dépensait déjà une partie en y allant. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait aussi une grosse, grosse critique de l'alcool, quoi. Et de comment, à la fois, ça permettait de tenir le rythme de l'usine et ça entraînait une soumission. Ça entraînait les ouvriers. Ouais. Mmh. C'était la soumission. Voilà. Oui. Ouais. En même temps, avec le monde, il faut croire qu'ils allaient boire au bar, puisqu'ils ont laissé une addition. C'est pareil. Deux choses. Est-ce qu'ils avaient le temps de lire et est-ce qu'ils fumaient des animaux? Ça rien à voir, puisqu'on fait la poule le dimanche. Ouais. Rarement la pire. Ouais, ouais. Il y avait un petit fond de bibliothèque. Il y avait l'éducation par le livre, par l'écrit était quelque chose de très très important. Très importante, je pense avec quasi certitude qu'il y avait une petite bibliothèque qu'ils avaient commencé à construire. Il y a une des cartes postales où on voit des personnages qui lisent le journal aussi. Donc oui, la lecture s'est encouragée. Il y avait aussi le projet dans les écrits de Fortuny Henry notamment. Il a un projet de monter des bibliothèques, un petit peu les ancêtres de SIRA, quoi. Il disait, voilà, on voudrait monter des bibliothèques sociales à l'intention des ouvriers dans la région. Donc c'est resté à l'état de projet. Après, oui, ça n'a pas passé en pratique, enfin, pas tout de suite, hein, mais... voilà, première question. Puis pour les animaux, donc effectivement, ils sont essentiellement végétariens. Ils sont pas opposés à tuer de temps en temps un animal, genre une poule, un lapin, voilà, pour le dimanche, enfin je sais pas quel jour, pas forcément le dimanche, mais ils parlaient aussi, je crois, quelque part de temps en temps de braconner dans la forêt, comme il y avait la forêt, ils pouvaient attraper un lapin, je sais pas. Un sanglier. Sanglier peut-être, sanglier des Ardennes, hein, très réputé. Ils avaient un étang, donc ils devaient avoir des poissons. C'est peut-être que c'est le but, ouais. C'est fort possible, ouais. Oui, en effet. Ouais. Pour ce qui est des livres, moi j'avais bien aimé l'image au tout début de Fortuny Henry qui arrive avec qui vit dans cette petite cabane là et qui arrive avec une valoche avec des livres dedans. Oui, donc, oui, oui. C'est ce que tu as mis dans la BD. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, le livre compte beaucoup et pour moi, effectivement, quand on parlait de de l'arrivée d'une imprimerie, moi, c'est, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est, enfin, c'est, il faut imaginer, voilà, c'est extérieur, avec la pluie qui tombe, c'est les bâtiments pas étanches, apporter une imprimerie qui pesait des tonnes, apporter des caractères en plomb, du papier, etc. Imprimer, après distribuer les journaux, parce que c'est pas le tout de les imprimer, après il faut les... Puis, ouais, le Cubilo, il l'a imprimé à 3000 exemplaires quand même. Et est-ce que tous les adultes étaient alphabétisés ou est-ce que il y avait beaucoup d'analphabètes? Parce qu'à l'époque... Moi je crois qu'il y avait beaucoup d'autodidactes. Après j'en sais rien, mais on a l'impression que vraiment je pense qu'il faisait même des lectures collectives. Dans les soirées il disait ça aussi, enfin il faisait des lectures communes. Et après, il y en a beaucoup, beaucoup, je pense, qui étaient autodidactes et qui apprenaient. C'était super important. Et sur le rapport à l'écrit, il y a aussi par exemple, une des références, entre guillemets, comme on parlait de Zola tout à l'heure, de ces lieux-là, c'est un des bouquins de Zola qui s'appelle Travail, où il parle de fonder un... il parle de la création de lieux qui pourraient ressembler à ces lieux-là. Il est très mauvais, enfin moi je le trouve très mauvais par ailleurs ce roman-là, mais il est assez terrible, enfin c'est le tout le pire de Zola. Enfin bon, avec la patronne, une espèce de patronne, terrible, les ouvriers qui boivent beaucoup, enfin c'est assez sombre et tout ça. Mais bon, en tout cas, ils se sont inspirés de ce livre-là aussi. C'est un livre qui est sorti en 1901 ou 1902, et j'ai l'impression qu'il a eu pas mal d'influence sur le fait qu'il y ait aussi des lieux comme ça qui se créent, quoi. Plus fort travail, il avait pas mal insisté sur le fait des conférences, des bibliothèques et de tout ça. C'était quand même dans le monde entier, c'était bien présent. Quoi. Mm. Je ne sais pas comment il est, pas qu'en France, en Espagne, partout. Par contre, je suis étonné lorsque tu dis que le journal était tiré à 3000 exemplaires. Ça veut dire que dans toute la vallée donc industrielle, le journal était lu. Ouais, mais je pense même au-delà, en fait. Je pense qu'il devait avoir une diffusion même au-delà, parce qu'il relayait aussi des luttes, voire même dans tout le pays, quoi. Donc je sais pas quelle diffusion il avait exactement, mais ouais, c'était très très diffusé. Mais en même temps, il faut voir que je me rappelle plus à combien d'exemplaires étaient diffusés des journaux anarchistes comme Le Père Pénard, mais c'est quand même impressionnant de voir que Le Père Pénard, il arrivait jusque dans ces villages-là des Ardennes, et donc il y avait des correspondants, même dans un village de, je sais pas, de quoi... De 5000 habitants, il y avait des gens qui vendaient le Père Pénard, quoi. Alors le Cubilo, je ne sais pas comment ça marchait dans l'autre sens, mais... Oui, là, c'est sûr que le monde libertaire, il est, je sais pas, à quelques centaines, mais à l'époque, il faut imaginer les conférences de Sébastien Faure. On en a parlé à plusieurs reprises, il paraît qu'il y avait 500 personnes quand il se déplaçait, il était à Marseille ou autre. C'était pas les 20 d'aujourd'hui, quoi. C'était vraiment le... Mais on était avant les grands médias, donc les gens se déplaçaient, lisaient les journaux... acheter ses cartes postales, etc. Quoi. Puis les journaux, en plus, même c'était 3000 exemplaires, mais je pense qu'un même journal, il tournait. Il était lu par plusieurs personnes. Oui, je voudrais vous demander quelque chose à vous, personnellement, à votre travail. Est-ce que vous jugez utile de mettre des titres universitaires? Est-ce que ça ne rejoint pas un peu la bourgeoisie? Des titres question universitaires sur quoi? Quel titre universitaire? Oui. Sur quoi? Sur le bouquin? Comment? J'ai pas compris. Sur le bouquin? Oui, mais... Non, le fait qu'elle ait fait des études, tu lui reproches d'avoir fait une thèse? Absolument pas, j'en ai fait aussi une doctorat. Mais notre motive, vous voulez le diffuser, vous voulez qu'il soit connu, qu'il soit lu. Et la personne qui prend ça et qui dit, tiens... Elle a fait le titre universitaire, Mais alors elle rejoint la bourgeoisie. Non mais moi, alors voilà, justement c'est une bonne question parce que ça m'arrive souvent dans les discussions où on me dit alors qu'est-ce que vous avez fait comme études, qu'est-ce qu'on met comme titre et tout, et la plupart du temps je dis que je j'ai pas envie qu'on mette ça, en fait qu'il n'y a pas besoin de le faire et que voilà, qu'il n'y a pas besoin de dire que j'ai fait des études universitaires et que j'espère que les gens, ils vont pas venir parce qu'il y a marqué que j'ai fait des études universitaires, mais c'est souvent un grand débat avec les gens... aussi qui invite, qui organise des soirées. Et par exemple sur le livre là, il y a, c'est pas du tout, par exemple c'est pas marqué, c'est au moins une chose qui est pas c'est pas du tout écrit. Il y a souvent conférences, il y a plein de conférences qui mettent pas lettres. Ah bah ouais, ouais, il mais met des écrivains, ouais. Ils mettent poètes, ils mettent oui, des références personnelles de, de leur âme. Ah, là, là c'est vrai, Céline m'avait, on a eu des échanges, est-ce qu'il faut mettre ci, ça et... Bon, après, moi, le fait qu'elle ait fait une thèse, je pense qu'il ne faut pas le cacher, il faut le dire. Après, on ne va pas dire elle est docteur, machin. Et au début, Céline, dans un mail, elle m'a dit « Tu mets, s'intéresse depuis longtemps au milieu libre. » Voilà, on aurait pu mettre ça. Moi, après, je pense que le fait d'avoir fait une thèse, il n'y a pas de raison de ne pas le dire. Mais... Non, mais après, non, c'est docteur en machin, on s'en fout. Si la thèse repose sur le travail pour essayer de convaincre les gens qui ne sont pas du tout anarchistes, et oui, à ce moment-là, oui, bien sûr, c'est un support de travail dans un sens. Mm-hmm. Mais ce que peut-être je n'ai pas réussi à faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas le mettre dans un sens où, ah bien, je suis formidable. Mais, non. Ah bah ouais, mais nous on ne l'a pas mis dans ce sens-là. Hein, non, mais on parle. D'accord. C'est bien de parler, hein. Oui, oui. Bah, moi, je suis entièrement d'accord. Mais même, du coup, ouais. Ben, c'est pour ça que, par exemple, le livre, je regrette aussi qu'il ait cette forme-là, parce que pour moi, il reprend les titres et les sous-titres comme le truc que j'ai fait pour la fac et que je trouve que c'est pas très lisible, quoi. Ah. Et que je préférerais faire... par exemple, je trouve ça super qu'il y ait une bande dessinée. Ouais. Parce que pour autant, pour le coup, pour moi, c'est intéressant de passer par d'autres... par d'autres supports, voire même que l'écrit, ou même qu'il puisse y avoir des discussions. Pour moi, passer par l'oral, c'est pas la même. Voire même, ça me gêne qu'il y ait une espèce de table. De tribune, là. Et qu'il y ait ça. Je vais pas me poser la question. Ouais, ouais, mais c'est une question. Ouais, ouais, très bien. Moi, j'aimerais savoir, vous avez eu toutes les bibliographies, tous les textes, tout ça, et tout, vous avez recherché où? Moi, il faut quand même que je dise qu'il y a quelqu'un qui a fait un gros boulot, qui est dans les Ardennes. Moi, il m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Dominique Petit, et qui a fait notamment plusieurs brochures. Et lui, il fait un travail énorme d'aller voir les archives. Depuis des années, lui, il est dans les Ardennes, du coup, il est sur place. Donc, ça fait un moment qu'il épluche toutes les archives, soit départementales, nationale, etc. Après, dans les archives, il y a bien sûr les archives de police, mais après, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que faire un travail qu'à partir des archives de police, ça, c'est absurde, parce que souvent, on apprend plus de choses sur la police que sur les gens eux-mêmes, quoi. Mais après, il y avait surtout toutes les revues. C'est ça, c'est la presse, les journaux qu'ils éditaient, les brochures... leurs propres textes, quoi. Et quelquefois, on arrive à retrouver des gens qui ont connu de... Maintenant, ça commence à être dur, mais qui ont connu de loin ou de près ces lieux-là, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, les sources, hein. Donc, grosso modo. Oui. Et mettant au niveau de leur journal, il reste encore dans un endroit où la collection est complète et tout. Ouais, le cubilo, je sais plus où... On l'a pas, nous. Mais je crois qu'il est aux archives départementales, par exemple, le Cubilo. Parce qu'après, il y a ça, c'est que je crois qu'il y a quand même cette histoire de dépôt légal. Alors, c'est rigolo, est-ce qu'ils faisaient eux-mêmes le dépôt? Ouais, ou c'est les imprimeurs peut-être qui étaient tenus, je sais plus. Mais ouais. Tenus, oui. Ouais. Donc, ouais, on retrouve. Il y avait beaucoup de récits de la part de gens qui ont participé En bouquin, non, je crois pas. Hein. Il y avait Fortuné Henry, il faisait des articles dans le Libertaire. Et puis il y a eu une brochure. En fait, il y a quelques récits. Mmh. Il y a des récits. Ouais, sans doute aussi. Ouais. Puis le Cubilo, par exemple, ça parle. Enfin, moi qui me suis intéressé vraiment très spécifiquement à la colonie, ça parle pas de la colonie. En fait, il y a quasiment pas une ligne sur la colonie d'Aiglemont. Donc, c'est publié par les colons d'Aiglemont, mais ça parle que effectivement des usines autour, etc. Non, c'est très... enfin, effectivement, il y a les travaux modernes, hein, comme, de gens comme toi, comme Dominique. Mais sinon, oui, c'est vraiment... C'est un article de journal, je sais pas, dans l'Ardennais de 30 juillet 1905, là, il y a trois lignes, après il y a 30 lignes dans un autre journal. Donc c'est un travail de fourmi, hein, de trouver tout ça. Et... Après, ce qui est sûr, c'est qu'à cette période-là, comme ça a été remis en avant comme un moyen d'action, on a plus de récits sur ces lieux-là, quoi. Après, je pense qu'il y en avait... En fait, il y avait constamment des lieux comme ça, mais sauf qu'à ce moment-là, c'est remis en avant comme quelque chose qui peut être aussi un levier ou une base ou sur lequel on peut s'appuyer pour agir contre ce monde-là. Donc là, il y a des écrits qui ressortent. Mais en fait, il y a des lieux, il y en avait plein, quoi, mais on n'avait pas forcément, on sentait pas le besoin d'en parler ou de décrire comment ça se passait. Ah bah c'est comme le phénomène des qui se sont appelés communautés après 68, il y en a un paquet en France, et puis ils n'ont pas tous laissé des traces écrites, et puis ils ont vécu ils ont essayé aussi de vivre des sociétés libertaires, et on a très peu de... Là, faire une étude là-dessus, ça va être difficile, quoi. Et après, ouais, je voudrais... On avait un peu parlé avant, c'est que vous disiez un mot sur Aiglemont aujourd'hui, donc cette clairière, qu'est-ce qu'elle est devenue, et puis quand même ce qui est resté dans les mémoires, parce qu'apparemment, d'après ce que vous disiez, c'est rigolo, parce que ça fait partie du patrimoine local. Ouais, complètement. Moi, pour mon livre, effectivement, je suis tombé assez rapidement sur notamment le site de la mairie d'Aiglemont, qui a toute une page sur la colonie. Et je me suis dit, tiens, c'est plutôt bon signe. Enfin, en tout cas, j'ai appris des choses. Et puis, je me suis dit, il y a au moins une personne à Aiglemont qui a l'air de s'intéresser de près à cette colonie, parce que c'est quand même très documenté. J'ai appris plein de choses dans cet article. Donc, j'ai contacté la mairie et j'ai eu une réponse très rapidement. Voilà, et j'ai été en contact donc avec notamment l'équipe du maire actuel, hein, qui est lui-même un passionné d'histoire de sa commune, hein, et qui fait partie d'une association culturelle. Donc, hein, il y a, je sais pas, 5-6 personnes dans la commune même de gens qui sont vraiment passionnés pour cette histoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui sont vraiment ancrés. Voilà, leurs parents étaient de la commune ou du village d'à côté, etc. Et ils ont gardé vraiment la mémoire intime, personnelle de cette expérience. Donc effectivement, maintenant, en 2015, il n'y a plus aucun témoin de la colonie qui s'est arrêté en 1909. On ne connaît aucun descendant. Donc il y a effectivement le fameux Marcel, hein, c'est un personnage très mystérieux, le petit garçon qui est né... à la colonie, c'est un peu le Graal pour ceux qui s'intéressent à cette colonie. On aimerait bien retrouver la trace du petit Marcel, qui doit avoir 110 ans, 111 ans. Ouais. De ses enfants, ses petits-enfants. Bon. Et en tout cas, oui, par exemple, il y a une anecdote, c'est que donc j'ai rencontré ces gens à Aiglemont et qui m'ont fait visiter la clairière. Donc la clairière, c'est... Il y avait à la fin de la colonie 4 ou 5 bâtiments qui ont tous disparu. Il n'y a plus un pan de mur, plus rien. La clairière, elle a totalement disparu elle aussi. Donc c'est dans un vallon, en pleine forêt. C'est devenu la forêt, quoi. Donc si je n'avais pas été guidé par ces gens qui connaissaient le site, je n'aurais jamais trouvé. Il n'y a plus aucune trace. Il y a un petit ruisselet qui serpente au fond du vallon. Et la seule trace qu'on voit, c'est l'étang. En fait, l'étang est resté, et il y a un petit peu on se demande si l'étang a été exactement à cette place, il a un petit peu été déplacé. Enfin, maintenant, c'est un petit étang de pêche. Voilà. Puis c'est un lieu qui est très agréable, c'est très très bucolique. On entend encore les oiseaux chanter, etc. Donc, c'est un lieu. Les deux fois où j'y suis passé, à chaque fois, c'est vrai qu'on ressent quelque chose, sachant l'histoire qui s'est déroulée. Ça, c'est quelque chose d'assez fort, mais il ne faut pas compter trouver de traces matérielles. J'ai eu aussi même l'écho d'un prof du secteur aussi, qui est un ami des propriétaires du terrain, comme c'est devenu un terrain privé, qui disait qu'ils ont, avec ses élèves, donc ils ont un petit peu défriché le site, etc. Donc si on sait un peu le remettre en... de le nettoyer un petit peu. Ils ont un petit peu dégagé, notamment un peu gratté. Ils ont trouvé uniquement quelques des tessons de bouteilles, je crois, des clous, des choses comme ça, mais vraiment rien de plus important. L'archéologie anarchiste a trouvé les traces. C'est intéressant. Mais a priori, il ne faut pas s'attendre à trouver grand-chose. Après, du coup, cette expérience-là, bon, c'est vrai qu'elle est plus du domaine de l'histoire, où elle rentre un peu dans les trucs de mémoire et tout. Après, moi, ce que je trouve aussi fou quand on passe dans les Ardennes maintenant, c'est qu'il y a aussi toute la trace de ce passé industriel-là, quoi. Et que même au niveau des luttes qu'il pouvait y avoir il y a 100 ans, qui étaient quand même assez... bah, c'est dur, quoi. Il y en a encore eu... dans les années 80, chose. Ouais, mais même après, ouais. Mais même après, il y a eu Célatex dans les années 2000. Même il y a encore pas très longtemps. Ceux qui voulaient mettre de l'acide dans les rivières, ouais, là. Dans la Meuse. Et même, il y a encore Le Noir et Mernier, là. C'était il y a, je sais pas, il y a 5-6 ans. Et voilà, il y a une partie de l'usine qui avait cramé pendant la grève et tout ça. Enfin, c'est... Après, le truc, moi, ce que je trouve fou, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais moi, quand je regarde encore des trucs là-dessus et que je me rends compte que c'est les mêmes familles du milieu du 19e jusqu'à maintenant, et que ça continue, hein, parce qu'en fait, c'est des usines qui délocalisent, enfin, il y a encore toutes ces questions-là, ça donne un aspect particulier quand même aussi à cette vallée-là, quoi. Et quand on s'y balade, c'est toutes ces usines qui restent, qui sont en train de... Bon, après qu'elles se terminent, j'ai rien contre. Mais après, ce qui est fou, c'est que cette dynamique-là, elle est encore présente, quoi. Il y a encore des gens aussi qui bossent dans ces contextes-là. Et s'il y avait des étrangers ? C'est super important, ça. Il y avait un des premiers colons, le premier colon qui a rejoint Fortuna Henry, c'était un piémontais, un italien, un menuisier. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Tu parlais de Victor Serge, hein, qui serait passé à Aiglemont. Ouais, mais de toute façon, il y a toute l'histoire avec la frontière belge. Ah ouais. Parce que du coup, il y a quand même. Alors peut-être pas tant sur la colonie d'Aiglemont, mais quand même, il y a tout un mouvement qui se joue, ne serait-ce que pour travailler d'un côté à l'autre de la frontière. Bah, souvent, les patrons en France, ils font appel à des ouvriers belges quand il y a une grève ou quand ils ont viré des gens ou quoi. Donc il y a parfois des difficultés alors à ce que ça s'organise d'un côté et de l'autre de la frontière, quoi. Et par ailleurs, ils jouent aussi beaucoup sur la répression et sur les expulsions. En fait, moi, je trouve que ça fait penser. Enfin, là, pour le coup, c'est une frontière. C'est juste la frontière entre la Belgique et la France. Mais vraiment, c'est très fort, quoi. Il y a des gens qui passent de l'autre côté de la frontière parce qu'ils ont des problèmes politiques en France. Et en Belgique, ils se font expulser parce que soit. Je sais pas, ils prennent part à des réunions politiques, soit ils se font réprimer pour plein de choses, quoi. Ou alors, il y a aussi toute la question de l'antimilitarisme, des gens qui désertent, qui passent la frontière, qui sont arrêtés de l'autre côté, qui sont expulsés, qui sont enfermés. Enfin, donc il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau de cette frontière-là, et même au niveau de la contrebande aussi, d'ailleurs. Il y a aussi un gros mouvement de contrebande, et il y a pas mal de gens qui vivent aussi dans les Ardennes de la contrebande. Bah, ça fait un apport en plus pour pouvoir vivre. Donc en fait, oui, il y a des Belges qui passent à la colonie et aussi des gens d'autres pays, italiens. Mais... Et comme il y a des Français qui partent ailleurs pour se réfugier ailleurs quand il y a des grosses vagues de répression, de même, je pense qu'il y avait des gens qui venaient. Oui, André Mounier, donc un des colons à la fin de la colonie, un des co-rédacteurs du Cubilo, hein, donc quand le Cubilo a été effectivement condamné par rapport à des articles notamment antimilitaristes. Donc un des colons se serait réfugié en Suisse. Mais là, c'était avec un point d'interrogation, quoi. Donc oui, la Belgique, la Suisse, une sorte de... Oui, un petit réseau comme ça. La question que je vais poser, parce que c'est toi qui en as parlé sur cette expérience où on part dans la nature, dont vous avez parlé des utopistes, tout ça et tout, ça fait penser quand même à tout ce courant primitivisme dans l'anarchie où on va retrouver la mère nature, tout ça. Et après ce que vous disiez, c'est-à-dire que le journal il parlait que des luttes ouvrières, ils se retrouvent dans un. Ils partent sur des bases, disons, de régénération de l'homme, en gros. Ils se retrouvent en plein dans la mêlée sociale, même là-bas, à travers le journal, ils se retrouvent dans le syndicalisme révolutionnaire, dans l'anarcho-syndicalisme, tout ça et tout. Et c'est marrant. Alors, est-ce que c'était pareil dans les autres communautés que tu as étudiées? Est-ce que c'est parce que localement, c'était que des industries du côté de la Meuse, aussi bien du côté wallon, belge que français? Est-ce que dans les autres, mettons à vous, c'était pareil? Est-ce qu'ils étaient aussi liés comme ça? Ou est-ce qu'ils sont plus restés sur un truc primitiviste, utopique? Ouais, non, je crois que c'est vrai. C'est assez spécifique à Aiglemont quand même. Mais parce qu'à Vaud, non, il n'y a pas ce genre de dynamique. Mais parce qu'ils sont dans un... Enfin, eux, ils vont à Vaud parce qu'ils ont une opportunité d'avoir des terrains et une maison là-bas. Mais sur place, c'est plutôt une région qui se dépeuple. Les gens, ils ont plutôt tendance à partir vers Paris, quoi. Et donc voilà, ils arrivent à avoir des terres, mais il n'y a pas la dynamique sociale qu'il y a... qui a Aiglemont, quoi. Et les autres lieux, c'est souvent la coloration que prend le lieu, c'est vraiment lié à l'endroit où ils sont installés, quoi. Il y a un autre lieu qui est à Saint-Germain-en-Laye. Alors là, la cohabitation, le Saint-Germain-en-Laye, pour le coup, c'est très bourgeois et la cohabitation, elle se passe très mal, quoi. Je sais pas comment ils font pour récupérer une maison là-bas, mais alors du coup, il y a beaucoup de choses de l'ordre de la provocation ou de perturber un peu le calme de cette ville-là. Mais voilà, il n'y a pas la même histoire qu'Aiglemont. Et sinon, il y a l'histoire d'un lieu qui est à Montmartre, là où était imprimé le journal L'Anarchie. Donc là, les gens y vivent ensemble aussi dans une maison qui est rue du Chevalier de la Barre. Donc c'est vraiment une des rues qui descendait de la butte. Et là, pour le coup, c'est pareil. Ce lieu-là, il y a une imprimerie, puisqu'il imprime l'anarchie, et il se passe beaucoup de choses autour du lieu, parce qu'ils font des causeries, ils font des balles dans la rue, ça part assez vite. Il suffit qu'il y ait une altercation avec la police, et ça part assez vite en émeute dans la rue. Mais il faut dire aussi qu'à Paris, dans ces années-là, il y a quand même régulièrement des émeutes qui sont liées à des altercations à la police, mais pas que, quoi. Des choses qui... Ça part assez vite, quoi. Donc, par exemple, voilà, le lieu qui est rue du Chevalier de la Barre, il y a une dynamique avec le quartier. Mm-hmm. Mais bon, les autres lieux, après, pas plus. Mm. Oui, puis c'est lié aussi à la personnalité, je pense. Donc, encore une fois, enfin, on revient encore à... Moi, je peux pas m'empêcher de revenir à la personnalité de Fortuné Henry, et... Vraiment, en ayant enfin, un petit peu cohabité avec lui, entre guillemets, hein, quand même, au moins deux ans, comme ça, en travaillant dessus, il y a un côté un peu caméléon, et on a l'impression qu'il... Je me dis, dans le fond, qu'est-ce qui... Oui, on a l'impression que d'année en année, entre le début de la fondation de la colonie, un an plus tard, trois ans plus tard, c'est... Ses motivations changent, quoi. Ça évolue, et effectivement, comme vous dites, je pense que l'aspect, effectivement, les mouvements sociaux extrêmement violents là, qui ont eu lieu en 1905, tout ça, dans la vallée de la Meuse, il se sent totalement impliqué dedans, mais du coup, on a l'impression qu'effectivement, il oublie un peu les raisons qu'il avait fait venir pour fonder cette colonie. Après, c'est le centre de gravité se déplace. Les sources, d'où viennent les gens, c'est très différent d'après ce que j'ai lu de ton livre, entre autres. Par exemple, ce milieu-là se nourrit de naturisme. Naturisme était vraiment un retour à la nature et des choses comme ça. Il y avait très, très peu de liens avec le mouvement ouvrier. Puis l'individualisme anarchiste, même dans l'anarchie, même à Paris, il se séparait grossièrement, souvent du mouvement de masse, parce que la masse, ça tue l'individu et des choses comme ça. Il y avait des thèses comme ça. Donc, il se séparait aussi du mouvement ouvrier à grosse de reprise individuelle parce qu'ils ont condamné le travail, l'état de salarié. Ils ont dit que c'est comme un esclave comme tous les autres. Donc, c'est le mélange de plusieurs influences, à mon avis. Ouais, mais après là-dessus, sur la question de l'illégalisme, moi je suis pas sûre qu'ils se séparent forcément. Parce que du coup, ils ont aussi beaucoup de petits illégalismes qui sont liés à, leur, à l'artisan. Enfin, il y en a beaucoup qui sont artisans, quoi. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'illégalismes qu'ils ont, qu'ils devaient partager avec d'autres gens. Enfin, moi ça me donne un peu cette impression-là. Mais. Par exemple, ouais. Beaucoup des cultivateurs, des végétariens. À la fois individualistes, anarchistes, et ils ont critiqué le mouvement ouvrier. Ouais. Et c'est écrit, par exemple, chez le livre de Dafranche, que les anarchistes individualistes ils sont allés à des rencontres, des réunions des ouvriers, ils ont fait des critiques sur l'état d'être salarié. Oui, mais tu vois, moi je pense là-dessus, justement, je pense que c'est ça que je trouve intéressant sur ces histoires d'anarchistes individualistes à cette période-là, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont une grosse critique des syndicats, alors que même que c'est pas le syndicat, enfin c'est le syndicalisme révolutionnaire, ils ont une grosse critique des syndicats, de la masse, de l'ouvrier qui accepte sans se rebeller, et que pour autant, ils sont pris dans ces mouvements-là. Par exemple, à Villeneuve-Saint-Georges, quand il y a une grosse grève, c'est quoi, 1907-1908, les gens de l'anarchie, ils ont beau avoir cette critique-là, ils sont dans la grève et ils y participent. Et moi, c'est ça que je trouve étonnant aussi sur ce moment-là, c'est qu'il y a une mise en avant de l'individu et de l'importance qu'il puisse développer ses propres capacités et tout ça. Mais ça vient dans un contexte où il y a des dynamiques sociales très fortes et dans lesquelles ils sont quand même immergés. Et du coup, c'est... Même quand ils se disent les en dehors, alors peut-être que je me fais des idées, mais j'ai du mal à les voir par rapport à ce qu'ils vivent, ce qu'ils écrivent, là où ils sont présents, etc. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient en dehors réellement de ce qui se passe à ce moment-là. Il y avait des liens, il y avait des connaissances, des autres courants. Il y avait souvent aussi, quand il y a un certain moment, certaines expériences que quelqu'un a été déçu, ils sont changés le courant, l'organisation, ils sont allés chez les communistes syndicalistes, notamment après Rwanda Bruno, il y avait beaucoup des individualistes qui sont allés à d'autres courants, donc il y avait un changement perpétuel. Mm. Mais en principe, par exemple, Kibatić au début de l'anarchie, il a même critiqué la conception de révolution. Mm-hmm. Parce qu'il y avait, et ça c'était par exemple aussi une expérience de 1908, des grèves où il y avait des grèves très sanglantes, que dans la masse, l'individu submergé, on n'est plus libre. Et est-ce qu'on peut faire un petit parallèle avec ce qui se passe en ce moment dans certains endroits et dans certains lieux ou pas? C'est-à-dire les squats, les âges, tout ça et tout, est-ce que c'est une affiliation? Est-ce que c'est totalement à part? Les communautés d'après 68 C'est la même chose que ce qu'il y avait avant, comme tu as dit. C'est aussi enfin, la même chose. Il y a une filiation avant, il y en a une après, mais avec des formes différentes, peut-être. Mmh. Ben, oui, moi j'ai l'impression qu'il y a... Et puis il y a des questionnements, des problématiques qui se posent, qui se ressemblent, quoi. Après, les contextes changent, donc ça prend pas les mêmes tournures. Enfin, mais moi j'ai l'impression que... Oui, j'ai l'impression qu'il y a... Oui, qu'il y a des liens. Enfin, des liens qui sont pas forcément, comment dire... explicites, mais... Ou aussi, des fois, qu'ils le sont, mais... Mais vous vous intéressez à cette histoire parce que c'est quelque chose que vous avez envie de. Ou que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ou à quoi vous aspirez, ou non? Bah, moi, personnellement, en fait, quand j'ai découvert ces idées-là ou ces réflexions-là, c'était une découverte, enfin voilà, dans les archives, mais pour moi, c'était lié à des choses que je pouvais découvrir de pratiques qui existaient encore, quoi, et qui, moi, me parlaient, quoi. Du coup, il y avait un espèce de découvertes parallèles où j'étais étonnée de me rendre compte qu'il y avait des choses qui avaient existé dans l'histoire et que pour moi aujourd'hui ces expériences historiques là elles m'intéressent pas juste en tant qu'histoire passée, elles m'intéressent en tant que ce que ça peut donner à réfléchir et à penser sur ce qu'on fait maintenant et je pense que je disais un peu la même chose il y a 10 ans, mais moi je trouve ça aussi intéressant de connaître ce qui s'est passé dans l'histoire Et pour pas non plus avoir l'impression que ce qu'on fait maintenant, c'est toujours complètement nouveau. Parce que moi, j'ai l'impression que des fois, on va présenter... Il y a plein de choses dont j'entends parler, c'est comme si c'était la grande nouveauté ou la chose qu'il faut faire maintenant. Je pense par exemple souvent aux histoires d'autonomie. Les tasses, par exemple. Fourier l'avait dit la même chose. Mais même sur l'histoire de, par exemple, souvent, on parle d'histoire d'autonomie ou de pouvoir faire des lieux où on vivra en autonomie, etc. Et ben, je trouve ça toujours étonnant de penser ça sans connaître ce qui a été fait avant et pour pouvoir aussi se positionner. Moi, par exemple, sur l'histoire de l'autonomie et de la réduction des besoins ou quoi, j'avoue que c'est quelque chose qui me parle moins que par exemple la colonie d'Aiglemont, même s'il y a des choses qui ne me parlent pas sur la colonie d'Aiglemont. Enfin, pour moi, ça a une résonance avec des choses de maintenant. Et même le questionnement sur l'individualisme, je le trouve intéressant parce que moi, les idées anarchistes individualistes telles qu'elles sont exprimées à l'époque, elles me parlent, mais je suis pas sûre qu'elles me parleraient autant dans le contexte actuel parce que j'ai l'impression que à l'époque, les anarchistes individualistes ils sont inscrits dans le mouvement ouvrier et qu'aujourd'hui, un mouvement, comment dire, que c'est pas aussi évident. Ça paraît pas une évidence pour plein de gens qu'on est pris quand même dans un mouvement social ou dans une dynamique de lutte, quoi. Et pour le coup, porter ces idées-là maintenant, moi je pourrais avoir envie de le faire, mais en le pensant avec le contexte de maintenant, quoi. Je sais pas si je suis très claire sur ce que je réponds, mais en tout cas, oui, c'est pas juste de l'histoire passée et enterrée en parlant, quoi. On continue la discussion autour d'un verre. Alors, en tout cas, merci de vous être intéressé à ce sujet. Ouais. C'est classique, les applaudissements, ça fait très plaisir. Merci de s'être intéressé à ce sujet. Ben, Céline, de l'avoir relancé il y a une dizaine d'années. Nicolas, de l'avoir relancé sous une autre forme et mis en image, parce que ça va toucher un public plus large, je pense. Ah, et aussi, il y a de belles images. Ouais. Donc l'album, Nicolas va le, si vous êtes intéressé, il peut vous le dédicacer, vous faire un dessin. Et Céline, elle peut vous faire un dessin.